الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع الحديث الحادي والثلاثين عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Donc le hadith numéro 31, donc on avait parlé brièvement, et donc il reste la dernière phrase à expliquer. Abu al-Abbas ibn Sa'din al-Sa'idi radiyallahu an, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un homme vint au prophète et lui demanda ô envoyé d'Allah, indique-moi une action qui me fasse aimer d'Allah et des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, agis dans ce monde avec détachement, Allah t'aimera, et agis envers les gens avec détachement ou bien renoncement, les gens t'aimeront. Hadith rapporté par l'imam ibn Majah rahimahullah et d'autres avec de bonnes chaînes de rapporteurs. تحدثنا الأسبوع الماضي عن الجملة الأولى ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل واحد يستجلب به محبتين محبة الله جل وعلا ومحبة الناس. وذكرنا أنه لا إشكال في طلب محبة الناس. طلب محبة الله هذا يريده كل مؤمن. بل حث على ذلك رب العالمين في كتابه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولكن من الناس من يعتقد أنه لا حاجة لك من طلب محبة الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر على هذا الرجل الذي أراد محبة الناس، بل تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو رب العالمين أن يجعله وأمه محبوبين إلى الناس، وأن يجعلهما كذلك يحبان الناس. هذا يعني ثابت في الصحيح، فلا إشكال في طلب محبة الناس، ولكن بشرط أن يكون هذا الطلب بالضوابط الشرعية، تحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني ذكر حقارة هذه الحياة الدنيا في آيات كثيرة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ما، رواه الإمام الترمذي. الجملة الثانية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد المسلمين إلى عدم الطمع في ممتلكات الغير، فمن فعل ذلك ولم ينافس الناس على ما يملكونه فإنه بذلك يستجلب محبتهم بإذن الله جل وعلا. لأن الناس معظم الناس يعني منهمكون في طلب وفي يعني الازدياد من المال، فلا يحبون من يأتي وينافسهم على ذلك، فمن ترك ذلك يكون محبوبا عندهم. مفهوم؟ لو أن شخصا له محل يبيع مثلا الفواكه أو الخضروات، طيب لو جاء شخص آخر وفتح محلا آخر أمامه يبيع له البضاعة نفسها، طيب صاحب المحل الأول هل يحب هذا الثاني؟ لا، في الغالب. ولكن المؤمن الذي له اعتقاد صحيح لا يبالي، لأن رزقه مكتوب، فهذا الثاني ولو جاء الثالث والرابع لا ينقص من رزقك. ولكن معظم الناس يبغضون من يأتي وينافسهم على هذه الحياة الدنيا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وكذلك يعني الناس الذين يطلبون المال من الآخرين على سبيل القرض مثلا، لو جاءك شخص ولو أقرب قريب وطلب منك أن تسلفه مبلغا من المال، طيب في غالب الأحيان لا تحب هذا الشخص ولا لا؟ طيب قد تفرح المرة الأولى ثم يأتي مرة ثانية: أنا محتاج، أقرضني يعني كذا كذا من المال. طيب لو تكررت المسألة عدة مرات هل تحب هذا الشخص؟ لا تحب. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. جاء أعرابي إلى أهل البصرة. البصرة فين جات؟ في العراق، مدينة من مدن العراق. جاء أعرابي إلى البصرة فقال لهم: من سيد هذه القرية؟ من سيد هذه القرية؟ قالوا له: الحسن. من الحسن؟ لا، الحسن البصري، الحسن البصري الإمام الزاهد. قالوا له الحسن. فقال لهم: بماذا سادهم؟ ما السبب الذي جعله سيدهم؟ فقالوا له: يحتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وأعطاهم العلم واستغنى عن دنياهم. وقال تعالى: يريد أن يحثنا على الزهد، أن ما عند الناس، وعدم التطلع إلى ما في أيديهم. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما ترى في أيدي الناس يعلم أن ذلك فتنة، أن المؤمن يعلم أن الإنسان يوم القيامة يسأل عن ماله كله، عن كل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب إذا كنت تعلم ذلك فلماذا تريد أن تكون مثل فلان في المال؟ ففي أمور الدنيا دائما الإنسان ينظر إلى من هو أقل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله عليكم. فإذا نظر الإنسان إلى من هو أقل منه فإنه يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أما في العبادات دائما الإنسان ينظر إلى من هو فوقه. يقول عون ابن عبد الله رحمه الله أحد السلف: الدنيا والآخرة في القلب، الدنيا والآخرة في القلب ككفي أو ككفتي الميزان. الدنيا والآخرة في القلب ككفتي الميزان. بقدر ما ترجح إحداهما تخف الآخر. إن كنت تحب الآخرة فإن الدنيا ترتفع عن قلبك، وإن كنت تحب الدنيا فإن الآخرة ترتفع عن قلبك كذلك. ويقول وهب ابن عبد الله رحمه الله: إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إنما الدنيا والآخرة كرجل له امرأتان، إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. فحب الدنيا والآخرة لا يجتمعان في قلب مؤمن، وعلى المسلم أن يختار ما يبقى على ما يفنى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Donc la semaine dernière, on avait parlé donc de la première, du premier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith, c'est un homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé qu'il lui montre une seule œuvre. Une seule œuvre par laquelle il obtiendrait l'amour des gens et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le fait de demander l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose que tout croyant doit chercher. Car l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, c'est plus important que ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car le musulman qui n'aime pas Allah n'est plus musulman. Il faut forcément que le musulman il aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la véritable chose à rechercher, c'est pas est-ce que moi j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. Parce que tout le monde aime Allah. Même si on demande à un juif ou un chrétien est-ce que tu aimes Allah, est-ce que tu aimes Allah, il va dire oui. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime? Donc c'est pour ça que c'est ce que doit rechercher le musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. C'est pour ça que certains pieux prédécesseurs disaient « Laysa sha'nu an tuhib wa innama sha'nu an tuhab » Le plus important, ce n'est pas que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, mais le plus important, c'est que tu sois aimé de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier conseil qu'il lui a dit, il lui a dit « Agis dans ce monde avec abstinence, Allah t'aimera, et agis envers les gens avec abstinence, les gens t'aimeront. » Et le fait donc de demander l'amour des gens, le fait de vouloir que les gens donc t'aiment, ce n'est pas interdit. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je m'en fiche, moi je fais l'important c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. » Il faut que tu recherches l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu peux également rechercher l'amour des gens, comme dans ce hadith. Également Abu Huraira radiallahu an, dans Sahih Muslim, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour lui afin que lui et sa mère aiment tous les musulmans et que tous les musulmans les aiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un croyant sans qu'il aime ce compagnon qui est Abu Huraira radiallahu an, juste du fait du nombre de fois qu'il entend ce nom répété sans le connaître. Même parfois certains musulmans ne connaissent même pas son histoire, mais ils aiment entendre ce nom. Également ici donc, la personne qui agit avec abstinence, les gens l'aimeront. Pourquoi les gens donc aiment celui qui agit avec abstinence? C'est ce qu'on veut dire par abstinence, c'est le fait donc de ne pas vouloir concurrencer les gens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils possèdent, de ne pas leur demander de leur richesse. Si la personne fait cela, les gens l'aimeront. Pourquoi ils l'aimeront? Parce que la plupart des gens, ils sont occupés à rassembler le plus possible d'argent et de richesse. C'est le cas de la plupart des gens. C'est leur seule et unique occupation. Donc lorsque vient une personne et essaye de leur retirer ce pourquoi ils font tant d'efforts, ils n'aiment pas cette personne. Plus encore s'il vient les concurrencer dans cela. Donc on va donner l'exemple, par exemple, une personne qui aurait un commerce, qui vendrait par exemple des fruits ou des légumes. Si le lendemain matin, une autre personne vient ouvrir le même commerce en face de toi, En général, tu ne vas pas apprécier cette personne parce que tu penses qu'il te concurrence. Alors qu'en vérité, le croyant, il sait que sa subsistance, elle est déjà prédestinée. Et que même une deuxième boutique, une troisième, une quatrième, cela ne fera pas diminuer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit t'attribuer. Mais donc la plupart des gens, comme on a dit, ils pensent que cette personne va lui prendre de ses richesses ou de ce qu'elle mérite, donc ils détestent cette personne. Pareil pour une personne qui viendrait emprunter de l'argent à une autre. Peut-être la première fois, la personne va lui donner avec plaisir. Et puis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, même si c'est un de ses plus proches parents, il n'aimera pas qu'il vienne donc prendre de ce qu'il possède. L'homme il est ainsi fait. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: izhad fima inda an-nas yuhibbuka an-nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également mis en garde contre le fait de demander aux gens. Il dit: man la yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin ya'ti wa jilduhu qad dhahab bi sabab هذه المسألة. Le prophète Sam il incite à ne pas demander aux gens. Il nous dit que l'homme ne cesse de demander aux autres ce qu'il possède et il viendra yawm al-qiyamati sans chair. Il ne lui restera plus de chair, tout cela à cause donc du nombre de fois qu'il a demandé aux gens. Et les compagnons l'ont dit Allahu anhum, parmi les choses sur lesquels il donnait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr il y avait as-sam' wa at-ta'a wa an la yushriku billahi shay'an wa la yasriqu wa la yaznu, toutes ces choses-là. Parmi également ces choses-là, wa an la nas'alu an-nasa shay'an, également le fait de ne rien demander aux autres. Le fait de ne rien demander aux autres. Lorsque l'un des compagnons radiyallahu anhum était sur sa monture et que son fouet tombait de sa monture, il ne demandait pas à une personne de lui redonner. Donc il descendait de sa monture, reprenait son fouet et remontait sur sa monture, tout ça pour mettre en pratique donc les choses donc qu'ils avaient promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala également il nous ordonne de ne pas être ébloui par ce que possèdent les autres. Parce que certains musulmans parfois lorsqu'ils voient donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'autres personnes de richesses plus que ce qu'on possède, il y a certaines personnes qui sont éblouies. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit que toutes ces choses là c'est une épreuve. Donc si le musulman sait que c'est une épreuve pour eux, il ne faut pas justement espérer être comme les gens donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a donné beaucoup de richesses. Car yawm al-qiyamati on sera questionné sur notre argent, sur nos richesses. Tout argent, comment on l'a acquis et dans quoi on l'a dépensé. Allah nous dit wala tamuddanna aynak ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayat ad-dunya li nafsinahum fi. C'est-à-dire donc ne cesse de regarder donc les choses dont nous avons comblé certains serviteurs pour les éprouver. Donc tout ça ce sont que les beautés de ce bas monde. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit sharaful mu'min qiyamuhu bil-layl wa 'izzuhu istighna'uhu 'an an-nas. Il nous dit que la noblesse du croyant, donc c'est sa prière nocturne. Le musulman noble, il faut qu'il essaye d'avoir donc une partie de la nuit pendant laquelle il prie wa 'izzuhu, et sa force, c'est le fait de se passer des gens. Le fait de se passer des gens. Même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous a parlé des véritables gens dans le besoin, nous dit les fuqara alladhina uhsiru la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al ja'ilu aghniya min al ta'affuf. Il y a des gens qui sont dans le besoin mais que les gens pensent qu'ils sont riches du fait qu'ils n'osent pas demander aux gens. Ils préfèrent rester rester, comment dire, noble et ne pas demander aux gens jusqu'à ce que les gens pensent qu'ils possèdent tout ce qu'ils désirent. Un jour, il y a un homme donc qui est venu à Al-Basra, un homme, un bédouin, et a demandé, il a dit, qui est donc le maître de cette ville? Pas le maître dans le sens le chef, mais la personne la plus noble, la plus respectable. Man sayyidu hadhihi al-qarya? Ils ont dit, c'est Al-Hassan, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a alors demandé, comment est-il devenu la personne la plus noble? Ils lui ont alors dit, yahtaj al-nasu ila ilmi fa'a'tahu. Les gens avaient besoin de sa science, il leur a donné, tout en se passant de leur richesse. Wa wastaghna an dunyahum. Et Aoun ibn Abdillah, rahimahullah, il nous dit que l'amour de ce bas monde et l'amour pour l'au-delà, dans le cœur du croyant, c'est comme une balance. Donc plus l'un des deux prend du poids, plus l'autre en perd. Donc si l'amour pour l'au-delà est fort dans le cœur du musulman, forcément, l'amour de ce bas monde perd du poids. Et l'inverse, si la personne aime ce bas monde et s'y attache, l'amour pour l'au-delà également perd donc de son poids. Et également, Wahb ibn Abdillah, rahimahullah, il nous dit que l'au-delà et ici-bas, c'est tel un homme qui aurait deux épouses. S'il essaye donc de faire plaisir à une autre, forcément la deuxième ne sera pas contente. Donc c'est pareil pour donc si la personne donc recherche donc la vie présente ou bien la vie future. ننتقل يقول رواه الإمام ابن ماجه ابن ماجه هو يعني محمد بن يزيد القزويني فين ها فين في إيران حاليا في إيران والنهار اسمه قزوين وفي الإيران ومتوفى سنة 73 و200 وهو صاحب كتاب السنن سنن ابن ماجه وهو سادس الكتب الستة وسادس الكتب الستة كتب الستة شنية البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي وابن ماجه وابن ماجه هذا هو أقلهم صحة ابن ماجه ولهذا من العلماء من قدم يعني بعض الكتب على وجعل الكتاب السادس مثلا موطأ الإمام مالك يعني بدلا من ابن ماجه donc le hadith il est rapporté par ibn Majah donc ibn Majah c'est Mohammed ibn Yazid al-Qazwini il est décédé en 273 de l'Hégire. Donc c'est celui qui a un livre qui s'appelle Sunan et qui est le sixième des six livres. Donc on a un groupe de livres que l'on appelle Al-Kutub Al-Sitta. Al-Kutub Al-Sitta. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres livres, mais ces livres-là, donc c'est des références donc pour les musulmans. Il y a donc le livre de Al-Bukhari, Al-Sahih, également Al-Sahih Muslim. Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i et Sunan ibn Majah. Donc c'est les six livres que l'on appelle donc Kutub al-Sitta. ننتقل للحديث الذي بعده عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري وهنا اسمه سعد ابن مالك ابن سنان هذا هو اسمه الخدري رضي الله عنه فهو من الأنصار وصحابي أنصاري ومن صغار الصحابة أن استصغره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. ما معنى استصغره؟ نعم، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة في هذه الغزوة لصغر سنه. الصحابة رضي الله عنهم أن حتى الصغار كانوا يريدون ويحبون أن يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكم على قدرتهم على الجهاد في سبيل الله حسب أسنانهم. فمثلا أن استصغر عبد الله بن عمر كذلك، واستصغر أبا سعيد الخدري، ثم بعد ذلك شهد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه من ما يسمى بالمكثرين. ما معنى المكثرين؟ نعم، الذين أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الحديث يسمون صحابيا بأنه مكثر إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. إذا روى صحابي من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث يسمى بمكثر. والمكثرون 7، والمكثرون 7. أولهم أبو هريرة رضي الله عنه، بعده عبد الله بن عمر بن الخطاب، بعده أنس بن مالك، بعده نعم لا هو الثاني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكان هناك ترتيب، عائشة موجودة، عبد الله بن عباس، ثم أبو سعيد الخدري، ثم جابر، ثم عائشة. طيب من استغرب كيفاش يعرف؟ لا، هناك بيت شعري يعني من حفظه يعرف المكثرين. يقول الإمام السيوطي: والمكثرون من رواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر، حبر عبد الله بن عباس، كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمكثرون من رواية الآثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الخدري من المكثرين، ولهذا تجدون أن أحاديث كثيرة رواها أبو سعيد الخدري. وتوفي رضي الله عنه 74 للهجرة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. دونك أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه إنه ديك البروفيت صلى الله عليه وسلم دي en islam on ne nuit pas et l'on ne cherche pas à répondre à un dommage par un dommage. Hadith considéré comme hassan rapporté par Ibn Majah et Dharqutni et d'autres comme étant musnad. Et il est rapporté également par Malik dans Al-Muwatta comme étant Mursal sous l'autorité de Amr ibn Yahya, puis celle de son père citant directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans la mention de Abu Sa'id. Ce hadith se trouve renforcé par plusieurs chaînes de rapporteurs. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, donc un très célèbre compagnon parmi l'Ansar. Il faisait partie donc des jeunes compagnons du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui ait pas permis de participer à la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, l'année 3 de l'Hégire. Du fait qu'il était trop jeune. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, les compagnons radiyallahu anhum, malgré même leur jeune âge, ils voulaient participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jihad. Car ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادِ. Il savait que c'était le sommet donc de l'islam. Donc il voulait participer à cela avec le prophète sallam, mais parfois quand certains étaient trop jeunes, donc il ne leur permettait pas cela. Donc à la bataille de Uhud, l'année 3 de l'Hégire, il ne lui a pas permis du fait de son jeune âge, et il lui a permis de faire donc les batailles qui sont venues après Uhud. Il fait partie de ce qu'on appelle al-mukthirin, donc c'est ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous trouverez que les compagnons, radiallahu anhum, en ce qui concerne le fait de rapporter des hadiths, ils ne sont pas tous au même niveau. Par exemple, il y a certains compagnons que l'on voit très très très souvent, comme Abu Huraira, radiallahu anhum. Il n'y a pas un livre sans que son nom soit mentionné, ce soit pas une khutbah sans que son nom soit mentionné. Donc c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite il y a Abdullah ibn Omar, ensuite Anas, ensuite Abdullah ibn Abbas, ensuite Abu Saïd al-Khudri, ensuite Jabir, ensuite Aisha radiallahu anha. Donc Abu Saïd fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths, donc plus de 1000 hadiths. Et il est décédé donc l'année 74 de l'Hégire. Yaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam la darara wa la dirar. Wada yadulluna ala anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam utiya jawami'a al-kalim. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yastati'u an yatakallama bil ma'ani al-kathira fi jumalin qalila. يقول لا ضرر ولا ضرار يعني اختلف العلماء في معنى هاتين الكلمتين فقال بعضهم هما بمعنى واحد كررها النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد وكن معظم العلماء فرقوا بين الكلمتين فقالوا الضرر هو أن تضر بنفسك والضرار أن تضر بغيرك فهذا كل ذلك منتف في الإسلام لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر بغيرك وقال بعضهم هو أن الضرر هو أن يدخل أن الرجل على غيره ضررا بما ينتفع به هو مثلا السرقة طيب الرجل المسروق يتضرر طيب ولكن الذي سرق ينتفع هذا هو الضرر والضرار أن يدخل على غيره ضرر بما لا منفعة له به يعني تضر به لأجل مضرته وهذا موجود عند بعض الناس مثلا أذهب إلى شخص أحرق له بيته طيب ماذا استفدت أنا؟ ما استفدت شيئا ولكن يعني أضررت به فقيل يعني الضرر أن تدخل الضرر على شخص بما تنتفع به والضرار فيما لا منفعة فيه وهناك معنى ثالث قيل أن الضرر أن يضر بمن لا يضره يعني أن تدخل الضرر على من لم يضرك والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجهه على وجه كان انتقام الضرر أن تدخل الضرر يعني من غير ضرر سابق أما الضرار أن تنتقم ممن أضر بك هذه المعاني كلها صحيحة هذه المعاني كلها صحيحة فالضرر منتف في هذا الدين فالإدخال الضرر محرم في ديننا الإسلامي وهو نوع من الظلم وهو نوع من الظلم ومر معنا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت علي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة. ولكن قد يكون إدخال الضرر يعني جائز في هذا الدين. طيب مثلا الحدود يعني حد السرقة حد القتل حد الزنا حد القذف، فأنت تدخل الضرر على السارق على الجاني، ولكن هذا غير مراد في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نفى الضرر لم يقصد الحدود والعقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على بعض الجنايات، فلم يقصد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallam nous dit il n'y a pas de nuisance donc dans l'islam. Donc il y a deux mots, on a le mot en arabe darar et on a le mot dirar. Certains savants ont dit qu'ils avaient le même sens et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités donc pour renforcer donc sa phrase. Et d'autres donc ont fait une différence entre les deux mots. Donc ces deux mots qui sont très proches. Certains ont dit que donc ad-darar c'est le fait de se faire du tort à soi-même. Ad-dirar c'est le fait de faire du tort aux autres. Certains ont dit que ad-darar c'est le fait de nuire à quelqu'un sans y trouver un intérêt. Et ad-dirar c'est le fait de nuire à quelqu'un mais en tirant de cela un intérêt. Comme par exemple si la personne va voler une autre personne, elle tire un profit donc de la chose qu'elle a volée. Mais ad-darar par exemple si la personne veut seulement nuire, elle va chez une tierce personne et par exemple lui brûle toute sa maison, la personne qui a brûlé, qu'est-ce qu'elle tire comme profit? Aucun profit. Certains ont dit également donc une troisième explication, ad-darar c'est le fait donc de nuire à une personne qui ne nous a pas nui, et ad-dirar le fait de nuire à une personne qui nous a nui, donc comme une sorte de vengeance. Le Messie dit addi al-amanata ila man ittamanak wa la takhun man khanak. Et le prophète sallam dit rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui te trahit. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Bref, tous ces sens-là rentrent dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on ne nuit pas et l'on ne cherche pas à répondre à un dommage par un dommage. Et également donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parle donc de ne pas nuire, il ne veut en aucun cas parler donc de ce qu'on appelle al-hudud. Donc en islam nous avons des punitions pour certains crimes, comme par exemple pour le vol, pour la fornication, pour les gens qui boivent de l'alcool, ou bien également le fait d'accuser les gens de ce qu'ils n'ont pas fait. Toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé donc des punitions bien précises, et il y a forcément une nuisance pour la personne donc qui reçoit cette punition. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut en aucun cas parler de cela. Il veut parler donc de la nuisance que les gens se font les uns les autres. Donc ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé. Tajiduna fil Qur'an al-Karim an Allah subhanahu wa ta'ala naha an al-darari fi ba'd al-masail. Minha إدخال الضرر في الوصية لما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام المواريث في سورة النساء وأعطى كل ذي حق حقه قال في نهاية ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار فلا يجوز للإنسان أن يضر في الوصية. طيب الوصية ما هي الوصية؟ شخص يريد أن يوصي بشيء يوصي بشيء من إما تكون نصائح أو يريد نعم الدين له دين يريد أن يسدده ورثته بعده أو يريد مثلا أن يتبرع على الفقراء بشيء من ماله فيكتب ذلك كتابة ثم تنفذ الوصية بعد موته الوصية يجوز للإنسان أن يوصي بماله فيما دون الثلث فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار يعني سعد ابن أبي وقاص وكان مريضا وكان يعني يظن أنه قريب من الموت ولكن عاش سنين بعد ذلك فأراد رضي الله عنه أن يوصي بماله كله يقول أن صاحب مال وليس لي إلا ابنة واحدة وماذا تصنع بهذا المال كله فأراد أن يوصي بماله فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن يوصي بثلثي ماله فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يوصي بشطر ماله فنهى حتى وصل إلى الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لو أن تدع يعني أبناءك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس فلا توصي بمالك كله إذن لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث وكذلك لا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوارث يأخذ ما أعطاه الله سبحانه وتعالى يأخذ الثلث والربع والسدس ولا يزيد على ذلك فمن أراد أن يضر بالورثة ماذا يفعل؟ يوصي بأكثر من الثلث يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث حتى يتضرر الورثة الآخرون مفهوم فكل ذلك حرام والذي قصده الله سبحانه وتعالى في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار شخص لا يجوز له أن يضر بوصيته كذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه ويقول عبد الله بن عباس قبل ذلك الإضرار في الوصية من الكبائر الإضرار بالوصية من الكبائر كذلك الرجعة في النكاح الرجعة في النكاح قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا لا تمسكوا إما أن تمسكها بمعروف أو سرحوهن بمعروف فارقوهن بمعروف شخص أراد أن يفترق عن زوجته يقع فلا يجوز له أن يضرها لا يجوز هذا بحال كان الناس في الجاهلية الرجال كان بعضهم يطلق زوجته ثم تنتظر عدتها كانت العدة موجودة حتى في الجاهلية فإذا قربت أن تنتهي العدة راجعها ثم طلقها مباشرة فإذا انتهت من عدتها راجع فإذا قربت أن تنتهي العدة يراجعها وهذا بدون عدد فكان الناس في الجاهلية يجوز له أن يطلق ولو ألف مرة يجوز له أن يطلق ولو ألف مرة أما في الإسلام كام طيب يطلق مرتين ثم في الثالثة أن تبين زوجته عنه فكانت المرأة في الجاهلية تتضرر بهذا فالرجل إذا أراد أن ينتقم من زوجته فعل لها ذلك فعل لها ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فأمر بالإمساك بمعروف أو بالتسريح بإحسان وكذلك الإيلاء كذلك الإيلاء ما يسمى بالإيلاء ما هو الإيلاء والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة يشوفون إيلاء ها نعم شخص يقسم بالله سبحانه وتعالى أنه لا يعني يقترب من زوجته يمكن سبب غضب يقول والله يعني لا أقربك لا أقربك يعني أبدا مثلا طيب من فعل ذلك له أن يسمح له في ذلك أربعة أشهر فإن فاءوا فإن رجع إليها إن الله غفور رحيم وإلا يؤمر بالطلاق يؤمر بالطلاق لأن المرأة تتضرر المرأة تتضرر فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وإن رجع إلى زوجته فلا عليه كفارة يمين كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يقول لا تضار والدة بولدها يقول مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية ضرر الوالدة بولدها أن يمنعها زوجها من الإرضاع أن يمنعها زوجها من الإرضاع طيب المرأة إذا منعت من إرضاع طفلها فإنها تحزن بذلك فإنها تحزن بذلك فنهى الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يفعلوا ذلك بزوجاتهم ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده هذا تكون في حالة الطلاق في حالة الطلاق رجل يطلق زوجته ولها طفل صغير طيب تأخذ الحضانة ولها أن تطلب إيش أجرة على الإرضاع فإن أرضعن لكم فآتوهن أجوره ولكن لا يجوز لها أن تطلب أجرة يعني مرتفعة تطلب ما يعني تطلبه النساء في الإرضاع فإن أرادت أن تضر بزوجها لا سيما بعد الطلاق تريد أن تنتقم تطلب منه أجرة مرتفعة فهذا حرام كذلك يعني لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده والنبي صلى الله عليه وسلم سنذكر ذلك بعد ذلك سنترجم إن شاء الله Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit on ne nuit pas en islam et on ne cherche pas à répondre à un dommage par un dommage. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, donc, il nous a parlé de certaines choses dans lesquelles les gens essayent donc de nuire aux autres. Parmi donc les sujets qui ont été traités dans le Coran, le fait de nuire aux autres dans ce qu'on appelle le testament, le wasiyya. Donc en islam, lorsque la personne meurt, il y a plusieurs choses donc qui doivent être appliquées. Donc il y a, nous savons, le testament et nous avons ensuite le partage des richesses de la personne. En ce qui concerne le partage des richesses de la personne, ça a été cité dans Surat Nisa. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun ce qu'il mérite donc de l'héritage. Et il y a également ce qu'on appelle al-wasiyya, le testament. La personne, si elle a des choses qu'elle veut mentionner, le fait qu'elle ait des dettes, qu'elle veut qu'elles soient remboursées, ou bien qu'elle veut donner à d'autres personnes qui ne font pas partie des gens de l'héritage une certaine somme d'argent, elle écrit cela par écrit. Et on appelle ça donc al-wasiyya. Al-wasiyya, afin qu'elle soit appliquée, donc il y a certaines conditions. Parmi ces conditions, il ne faut pas que ça dépasse le tiers des richesses. On ne peut pas écrire un testament avec tout ce que je possède, je le donne à telle association, alors que j'ai des enfants et j'ai une femme. Ça, c'est interdit. Et si ça a lieu, ce n'est pas appliqué. Donc ça ne doit pas dépasser le tiers. On peut, par exemple, faire un testament du tiers de nos richesses pour telle ou telle personne, bien même plusieurs personnes, mais en aucun cas dépasser le tiers. Le prophète sallam dit « Al-thuluth wa thuluthu kathir ». Le tiers et le tiers, c'est déjà beaucoup. Et également, le testament ne doit pas être pour les héritiers. J'écris pas un testament pour donner à mon fils. Non, mon fils, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà donné ce qu'il mérite dans surat, dans ce qu'on appelle donc les règles de l'héritage. Donc si une personne veut nuire à certains héritiers, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle fait un testament avec plus du tiers, la moitié ou bien les deux tiers, ou bien tout l'argent. Donc les héritiers se retrouvent lésés. Cela est interdit. Et également, si la personne veut nuire à certains héritiers, elle donne en plus par le testament à certains héritiers. Par exemple, la personne elle a des enfants, une femme. Donc, la femme prend telle partie, certains enfants prennent le reste. Et si par exemple, un enfant qui s'appelle Zayd, dans le testament, je lui donne une partie en plus. Cela est interdit. Et ce n'est pas non plus mis en application. Parmi les choses également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, donc dans lesquelles les gens se nuisent les uns les autres, il a parlé également de, en ce qui concerne le mariage et le divorce. Il nous dit فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Lorsque vous décidez, donc lorsque la période, l'idda, la période de viduité arrive à son terme, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, soit vous reprenez vos épouses pour bien les traiter, soit également donc vous vous séparez d'elles. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Il ne faut en aucun cas la faire revenir pour lui nuire. Et certaines personnes, ils font cela. Ils font revenir la femme, pas pour recommencer donc le mariage sur des bonnes bases, mais seulement pour nuire à la femme. Cela est interdit. C'est haram. Avant l'islam, il n'y avait pas de nombre au divorce. L'homme pouvait divorcer, répudier sa femme 1000 fois ou plus. Et à chaque fois, s'il la reprenait avant la fin de la période de viduité, il avait le droit. Donc certains hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils répudiaient sa femme. Elle était alors en période de viduité. Il la laissait pendant cette période. Elle espérait qu'elle allait retrouver sa liberté. Et juste à la fin, un ou deux jours avant, il la faisait revenir. Et cela sans arrêt. Et il la répudiait tout de suite après. La personne, elle n'était ni répudiée, ni mariée. Elle n'était ni répudiée, ni mariée. Donc lorsque l'islam est arrivé, donc l'homme maintenant a le droit de répudier sa femme 2 fois, et à la 3e fois, donc c'est un divorce définitif. Également ce qu'on appelle al-ila. Al-ila, ça a été cité dans surat al-Baqara, c'est lorsque l'homme jure, ou bien jure de ne plus s'approcher de sa femme. Par exemple, ils ont une querelle, ils jurent de ne plus s'approcher de sa femme. Est-ce qu'il peut faire cela indéfiniment? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit tarabbusu arba'ati ashhar. Il a une période de 4 mois. Il a une période de 4 mois. Au bout de 4 mois, s'il revient vers sa femme, fa inna Allaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaq fa inna Allaha samiyun alim. Si donc il décide de divorcer, soit elle se remet avec sa femme, soit elle divorce, mais elle ne peut pas faire cela plus de 4 mois, car cela nuit donc à la femme. Également dans ce qu'on appelle le rada, c'est-à-dire l'allaitement, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. C'est-à-dire que pour l'allaitement, ni la femme ne doit être lésée, ni l'homme. La femme lésée, c'est-à-dire l'homme qui interdit à sa femme d'allaiter son enfant. L'homme qui interdit à sa femme d'allaiter son enfant pour lui faire de la peine. Cela est interdit également s'il y a divorce. Comme vous le savez, la femme a le droit, si elle allaite, elle a le droit de demander à son mari un salaire d'allaitement. Et pareil, elle n'a pas le droit de demander un salaire trop élevé, car cela également nuit au mari. Bref, toutes ces choses-là, donc on a cité ces exemples-là, il y en a d'autres, on a précisé cela car ils sont cités dans le Coran. On a précisé cela car ils sont cités dans le Coran. Bref, toute nuisance donc est interdite dans l'islam. Kadhalika, فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر عباده بما هو ضار لهم في أبدانهم. لا تجدون في الإسلام أمرا من الله سبحانه وتعالى بما هو ضار للمؤمنين في أبدانهم. فإذا وجد الضرر في عبادة من العبادات فإنه يزال مباشرة ولا يبقى. المريض إذا لم يستطع أن يستعمل الماء لسبب من الأسباب فإنه يتيمم ولا يجوز له أن يتضرر باستعمال الماء. كذلك المريض لا يصوم لأنه يتضرر بالصيام، وكذلك المسافر يجوز له أن يفطر لأنه قد يتضرر بالصيام، وكذلك في الحج عندنا ما يسمى بمحظورات الإحرام. إذا كان الإنسان في حالة الإحرام هناك بعض الأشياء لا يجوز له أن يرتكبها، مثل قص الشعر أو التطيب أو تقليم الأظافر أو مثلا تغطية الرأس إلى غير ذلك، أو لبس المخيط. كل هذه المسائل لا يجوز أن ترتكب في حالة الإحرام، ومن ارتكبها فعليه فدية. طيب، لو أن شخص يتضرر بشيء، شخص مثلا كما وقع لكعب ابن عجرة، كعب ابن عجرة هذا سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، عمرة القضاء، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. القمل وبعض الحشرات تكون في الشعر، لكثرة هذا القمل يكون على وجهه، على شعره ووجهه. طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن القمل بلغ بك من الأذى، يعني ما أشاهده الآن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه. لم يقل له أنت محرم لا يجوز لك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أنت محرم لا يجوز لك أن تحلق شعرك، لا، قال له احلق شعرك و أعطي فدية، والفدية تكون ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحتى في الأمور يعني المحرمة، فإذا احتاج الإنسان أن يفعلها فإنه لا حرج في ذلك، ولكن الضرر يعني يزال في جميع الأحوال. كذلك في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي فقال: من هذا الرجل؟ قال له: إنه نذر أن يحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى مستغن عن مشي هذا الرجل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يثيب العباد على يعني تعذيبهم أنفسهم، فإذا حصلت المشقة فإن الإنسان يثاب عليها، ولكن لا يجوز له أن يبحث عنها. لا تبحث عن المشقة، فإن هذا الدين يسر، ولكن إن حصلت المشقة فالإنسان يعني أجره أن يزداد بإذن الله تبارك وتعالى. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، في قال ذلك في حجة الوداع. Donc également, toute nuisance donc faite les uns aux autres ne sont pas permises. Également, toute nuisance faite à nous-mêmes. C'est pour ça que vous ne trouverez aucune adoration dans l'islam qui nuit à l'individu. Il n'y a pas une seule adoration dans l'islam qui nuit aux musulmans. Et que si le musulman est amené à subir une nuisance par quelconque adoration, à ce moment-là, tout de suite, la nuisance disparaît. Toute nuisance doit disparaître en islam. Vous remarquerez que si la personne, par exemple, elle risque, par exemple, pour, en ce qui concerne les ablutions, si la personne risque donc de subir donc un mal à cause de l'utilisation de l'eau, vous remarquerez que tout de suite cela est effacé et la personne, à ce moment-là, fait ce qu'on appelle donc un TMO. Il lui interdit donc d'utiliser l'eau. Également, le jeûne. La personne malade ne jeûne pas. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas supporter le jeûne. Pareil pour la personne en voyage. Elle ne jeûne pas car le jeûne est très difficile pour elle. Et même, par exemple, vous remarquerez que pendant le pèlerinage ou bien l'Umra, il y a des choses qui sont interdites pendant l'état de sacralisation, l'ihram, comme le fait de mettre du parfum, le fait de se couvrir la tête, le fait de se raser les cheveux, le fait de se couper les ongles, le fait de mettre des vêtements cousus. Mais que si la personne, elle a besoin et ces choses-là donc lui nuisent, à ce moment-là, elle peut avoir recours à ces choses-là. Avoir recours à ces choses-là, bien sûr, il faudra donner une compensation. Mais il ne faut pas qu'elle ne reste, en aucun cas qu'elle ne reste, donc sans recourir donc à ces choses interdites. Ka'b ibn Ujra, radiallahu anhu, lors de Umrat al-Qada, l'année 7 de l'Hégire, on l'a fait venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait des poux dans ses cheveux. Une grande quantité de poux jusqu'à que cela lui tombait sur le visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: je ne pensais pas que ça avait atteint un tel degré. Il lui a alors dit de se raser la tête et de ensuite donner une compensation, le fait de jeûner ou bien donner une sadaqa ou bien sacrifier donc un mouton. Bref, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a vu qu'il y avait une nuisance, il lui a tout de suite ordonné de se raser la tête. وبإذن الله نكتفي بهذا وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا كلها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.